Le mot de la fin. Le soir, après le dîner, où Madame Lepic, malade et couchée, n'a point paru, où chacun s'est tu, non seulement par habitude, mais encore par gêne, Monsieur Lepic noue sa serviette qu'il jette sur la table et dit « Personne ne vient se promener avec moi jusqu'au Biquignan sur la vieille route ?» Poil de Carotte comprend que Monsieur Lepic a choisi cette manière de l'inviter. Il se lève aussi, porte sa chaise vers le mur comme toujours, et il suit docilement son père. D'abord, il marche silencieux. La question inévitable ne vient pas tout de suite. Poil de Carotte, en son esprit, s'exerce à la deviner et à lui répondre. Il est prêt. Fortement ébranlé, il ne regrette rien. Il a eu dans sa journée une telle émotion qu'il n'en craint pas de plus forte, et le son de voix même de Monsieur Lepic qui se décide le rassure. « Qu'est-ce que tu attends pour m'expliquer ta dernière conduite qui chagrine ta mère ?»« Mon cher papa, j'ai longtemps hésité, mais il faut en finir. Je l'avoue, je n'aime plus maman. »« Ah ? À cause de quoi ? Depuis quand ?» À cause de tout, depuis que je la connais. Ah, c'est malheureux, mon garçon. Au moins, raconte-moi ce qu'elle t'a fait. Ce serait long. D'ailleurs, ne t'aperçois-tu de rien? Si, j'ai remarqué que tu boudais souvent. Ça m'exaspère qu'on me dise que je boude. Naturellement, Poil de Carotte ne peut garder une rancune sérieuse. Il boude. « Laissez-le. Quand il aura fini, il sortira de son coin, calmé, déridé. Surtout, n'ayez pas l'air de vous occuper de lui, c'est sans importance. »« Je te demande pardon, mon papa. Ce n'est sans importance que pour les pères et mères et les étrangers. Je boude quelquefois, j'en conviens, pour la forme, mais il arrive aussi, je t'assure, que je rage énergiquement de tout mon cœur, et je n'oublie plus l'offense. » « mais si, tu oublieras ces taquineries. »« mais non, tu ne sais pas tout, toi, tu restes si peu à la maison. »« Je suis obligée de voyager. »« Les affaires sont les affaires, mon papa. Tes soucis t'absorbent, tandis que maman, c'est le cas de te le dire, n'a pas d'autre chien que moi à fouetter. »« Je me garde de m'en prendre à toi, certainement. » Je n'aurai qu'à moucharder, tu me protégerais. Peu à peu, puisque tu l'exiges, je te mettrai au courant du passé. Tu verras si j'exagère et si j'ai de la mémoire. Mais déjà, mon papa, je te prie de me conseiller. Je voudrais me séparer de ma mère. Quel serait, à ton avis, le moyen le plus simple ? Tu ne la vois que 2 mois par an, aux vacances. Tu devrais me permettre de les passer à la pension. J'y progresserai. C'est une faveur réservée aux élèves pauvres. Le monde croirait que je t'abandonne. D'ailleurs, ne pense pas qu'à toi. En ce qui me concerne, ta société me manquerait. Tu viendras me voir, papa ? Les promenades pour le plaisir coûtent cher, Poil de Carotte. Tu profiteras de tes voyages forcés. Tu feras un petit détour. « Non, je t'ai traité jusqu'ici comme ton frère et ta sœur, avec le soin de ne privilégier personne. Je continuerai. »« Alors, laissons mes études. Retire-moi de la pension sous prétexte que j'y vole ton argent et je choisirai un métier. »« Lequel ? Veux-tu que je te place comme apprenti chez un cordonnier, par exemple ?»« Là ou ailleurs ?» Je gagnerai ma vie et je serai libre. Trop tard, mon pauvre Poil de Carotte. Me suis-je imposé pour ton instruction de grands sacrifices afin que tu cloues des semelles? Si pourtant je te disais, papa, que j'ai essayé de me tuer. Tu charges, Poil de Carotte. Je te jure que pas plus tard qu'hier, je voulais encore me pendre. Et te voilà. Donc, tu n'en avais guère envie. Mais au souvenir de ton suicide manqué, tu dresses fièrement la tête. Tu t'imagines que la mort n'a tenté que toi ? Poil de carotte, l'égoïsme te perdra. Tu tires toute la couverture, tu te crois seul dans l'univers ? Papa, mon frère est heureux, ma sœur est heureuse, et si maman n'éprouve aucun plaisir à me taquiner, comme tu dis, je donne ma langue au chat. Enfin, pour ta part, tu domines et on te redoute, même ma mère. Elle ne peut rien contre ton bonheur, ce qui prouve qu'il y a des gens heureux parmi l'espèce humaine. Petite espèce humaine à tête carrée, tu raisonnes pantoufle. Vois-tu clair au fond des cœurs ? Comprends-tu déjà toutes les choses ? Mes choses à moi, oui, papa. Du moins, je tâche. Alors, poil de carotte, mon ami, renonce au bonheur. Je te préviens, tu ne seras jamais plus heureux que maintenant, jamais, jamais. Ça promet. Résigne-toi, blinde-toi, jusqu'à ce que, majeur et ton maître, tu puisses t'affranchir, nous renier et changer de famille, sinon de caractère et d'humeur. D'ici là, essaie de prendre le dessus. Étouffe ta sensibilité et observe les autres, ceux-mêmes qui vivent le plus près de toi. Tu t'amuserais. Je te garantis des surprises consolantes. Sans doute, les autres ont leur peine, mais je les plaindrai demain. Je réclame aujourd'hui la justice pour mon compte. Quel sort ne serait préférable au mien ? J'ai une mère, cette mère ne m'aime pas. Et je ne l'aime pas. Et moi, crois-tu donc que je l'aime ? Dit avec brusquerie Monsieur le Pic impatienté. À ces mots, Poil de Carotte lève les yeux vers son père. Il regarde longuement son visage dur, sa barbe épaisse, où la bouche est rentrée comme honteuse d'avoir trop parlé. Son front plissé, ses pattes d'oie et ses paupières baissées lui donnent l'air de dormir en marche. Un instant, Poil de Carotte s'empêche de parler. Il a peur que sa joie secrète et cette main qu'il saisit et qu'il garde presque de force, tout ne s'envole. Puis il ferme le poing, menace le village qui s'assoupit là-bas dans les ténèbres et lui crie avec emphase « Mauvaise femme, te voilà complète, je te déteste !»« Tais-toi !» dit Monsieur le Pic. « C'est ta mère, après tout !»« Oh !» répond Poil de Carotte, redevenu simple et prudent. « Je ne dis pas ça parce que c'est ma mère. »